franceinter.com. L'ombre du Biafra, elle plane à nouveau au-dessus du Nigeria, ce colosse africain au pied d'argile. À tout moment, comme il y a plus de 40 ans, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, la région du delta du Niger au sud du pays pourrait s'embraser et dégénérer en une véritable guerre. Mais déjà, une guerre de basse intensité, comme disent les spécialistes en stratégie, sévit dans cette vaste région marécageuse qui regorge de pétrole. Car, une fois encore, c'est le pétrole, comme autrefois, qui est au cœur du conflit. La merde du diable, comme l'appellent les habitants du delta, car cette ressource génère autant de convoitises que de malheurs de tous ordres, a commencé par une gigantesque pollution qui transforme cette région grande comme quatre fois la Corse en poubelle nauséabonde. Mais d'autres catastrophes menacent le Nigeria, géant économique et pays le plus peuplé d'Afrique. Il y a quelques semaines, un massacre perpétré par des commandos musulmans a endeuillé la communauté chrétienne du plateau, région située au centre du pays. Plus de 400 personnes, y compris des enfants, ont été tués à coups de machette ou brûlés vifs dans leur maison. Peu de temps auparavant, dans le même secteur, c'était également près de 400 musulmans qui étaient victimes de la colère des chrétiens. Une guerre religieuse est-elle en train de s'allumer dans cette région qui se trouve entre le nord musulman qui a adopté la charia et le sud chrétien et animiste? Nous verrons avec M. X, que c'est beaucoup plus compliqué que cela et qu'il faut se garder de toute simplification hâtive. Enfin, il faut ajouter que ces désordres qui menacent la cohésion du Nigeria surviennent à un moment où le pouvoir est quasiment vacant, ce qu'il en reste étant partagé entre un président moribond et un vice-président ou dans l'ongle. Une situation dont pourraient bientôt profiter les militaires qui n'ont cessé, depuis l'indépendance de cette ancienne colonie britannique, d'intervenir dans la vie politique du pays, y compris en instaurant d'impitoyables dictatures. Monsieur X ouvre donc ce dossier complexe, suivi de près par toutes les capitales, car une déstabilisation du Nigeria pourrait entraîner de graves conséquences pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et les économies occidentales qui ont besoin de son pétrole. Nigeria a toujours été en crise depuis l'indépendance acquise en 1960. Au cours de ce demi-siècle, il a connu pas moins d'une douzaine de coups d'État, de nombreux assassinats politiques, des massacres, des guerres ethniques ou religieuses, tout cela sur fond de corruption généralisée. Et pourtant, très paradoxalement, cette violence latente n'a pas réussi à étouffer une tradition démocratique à l'anglo-saxonne, illustrée par un foisonnement de partis, d'associations de défense des droits de l'homme, l'existence d'une presse libre et diversifiée, et même par la continuité d'une justice indépendante. Un exemple assez singulier sur ce continent où les régimes démocratiques sont l'exception. Tout à fait. Et c'est presque miraculeux dans un pays aussi hétérogène qui accumule les difficultés de toutes sortes. Hétérogène, vous voulez parler du puzzle ethnique. Oui, songez qu'il existe dans ce pays de presque 150 millions d'habitants, au moins 250 ethnies, aucune n'étant majoritaire. Il y a quand même de grands ensembles. Trois, oui. Au nord, dans une région de type sahélien, on trouve les Haoussa Peul. Et ceux-là sont généralement musulmans. Au sud-ouest vivent les Yoruba, qui se partagent entre animistes, christianisés et musulmans. Et puis au sud, ce sont les Igbo qui dominent. Et ceux-là sont chrétiens. Et parfois animistes. Pendant, il y a aussi des ethnies moins nombreuses, mais qui sont majoritaires dans les états qu'ils habitent. C'est le cas des Ogoni dans le Delta ou des Ijo le long du littoral atlantique. Ouais. Parce qu'il faut le dire tout de suite, le Nigeria est une fédération. Oui, composée de 36 États, un nombre d'États qui n'a cessé d'augmenter au fil des ans. Et c'est le moyen qu'a trouvé le pouvoir fédéral pour juguler les rivalités ethniques. En accordant à chacun une parcelle d'autonomie. C'est ça. Ouais. Parce qu'à l'origine, en 1960, il n'existait que trois États. Il faut ajouter deux points essentiels. D'abord, les frontières ethniques ne sont pas toujours très rigoureuses. Le développement économique et les conflits ont abouti à de nombreux déplacements de population. Et ensuite, il y a l'empreinte du passé. De quoi voulez-vous parler, là ? De la traite des esclaves. Les ethnies côtières ont souvent été les auxiliaires des négriers et ont conduit des razzias à l'intérieur du pays. Ouais, pour recruter des esclaves. Et ça a laissé des traces et des rancœurs jusqu'à aujourd'hui. Parce que descendants d'esclaves et d'esclavagistes doivent cohabiter et ce n'est pas toujours évident. Ouais. En tout cas, il ressort de ces quelques généralités là, que le Nigeria est une entité artificielle. Et que les dirigeants du pays, quels qu'ils aient pu être, ont toujours dû lutter contre les particularismes géographiques, ethniques et religieux. Mais malgré tout, l'unité a été maintenue. Oui, les Nigérians le doivent sans doute à cette culture démocratique dont je vous parlais précédemment. Il y a là quand même, tout au moins pour ceux qui, comme moi, connaissent peu la situation du Nigérien, ces affrontements religieux, là, de plus en plus meurtriers. Je vais bien sûr y revenir. Toutefois, sachez d'abord que ces antagonismes dissimulent des querelles qui sont rien moins que religieuses. Mais un peu de patience, je vous expliquerai. En outre, il ne faut pas se cacher que la question est exacerbée par tous ceux qui actuellement mettent l'islam au banc des accusés. La guerre des civilisations, En effet, oui, et la manœuvre n'est pas innocente. Il s'est même trouvé des gens qui ont évoqué l'action d'Al-Qaïda au Nigeria. À tort ? Bien sûr. Mais la confusion est peut-être venue du fait que certains activistes musulmans de l'extrême nord se proclament eux-mêmes des talibans. C'est oublier le sens original du mot. Un talibé en Afrique, c'est un élève d'une école coranique, ni plus ni moins. Il n'empêche, toutefois, moi je l'ai vu récemment, que certains de ces groupes de talibans nigériens prônent un islamisme radical, exactement à l'image des mollahs afghans. C'est juste. Une minorité qui vit dans une région très peu contrôlée par le pouvoir fédéral et qui aurait même tenté de s'armer. Mais on n'en sait guère plus sur ces groupuscules. Ce qui est quand même indubitable, c'est que l'islam a fortement progressé au Nigeria, puisque plusieurs États du Nord ont même adopté la loi coranique, la charia. Une douzaine, oui. Et les influences étrangères ont joué un rôle notable dans ce prosélytisme musulman radical qui s'exerce à partir des États du Nord. Les influences étrangères Les soutiens apportés par des pays arabes et même par l'Iran. Soutiens financiers Entre autres, oui. Cela se traduit par l'apparition d'un fondamentalisme salafiste étranger à la tradition soufie des musulmans nigérians. Ce sont ces prêcheurs radicaux qui ont bataillé pour faire adopter la charia dans le nord du pays, une exigence de pureté islamique qui découle aussi de la lutte contre la corruption qui gangrène le pays. Question là, quand est apparu l'islam dans cette partie de l'Afrique ? Très tôt, dès le 9e siècle. Et c'est essentiellement le commerce avec le Sahel qui a favorisé sa dissémination dans les régions qui font aujourd'hui partie du Nigeria. Et au XIXe siècle, On a même assisté à un véritable djihad, une guerre religieuse, en vue de convertir les populations du Nord et même certaines tribus de la côte. Mais on a observé aussi de nombreuses résistances, en particulier dans la partie centrale, ce qu'on appelle le plateau. Là même où se sont produits récemment des incidents très violents. Hein. Et le christianisme hein. Il a forcément été apporté par le colon anglais. Et il a surtout prospéré dans le sud. Mais depuis quelque temps, on note une recrudescence du prosélytisme chrétien. Et comme dans d'autres régions de l'Afrique, c'est le fait de sectes protestantes. Ouais, des évangélistes. Essentiellement. Des missionnaires exaltés venus souvent des États-Unis. Et puis il y a toujours les animistes. Des Nigérians, fidèles aux croyances de leurs ancêtres. D'ailleurs, même chez les chrétiens ou les musulmans, il subsiste parfois des restes de ces cultes anciens. Et puis il faut tenir compte de la persistance de la sorcellerie dans toutes les régions du Nigeria. Des croyances magiques qui font très bon ménage avec les religions du livre telles qu'elles sont pratiquées au Nigeria. Ouais, mais ça n'est pas propre à ce pays. Hein. On trouve le même phénomène dans beaucoup d'autres territoires africains. Vous avez raison. Un dernier mot et j'en aurai fini avec ces généralités. On observe aussi que les Nigérians sont souvent beaucoup plus fidèles à leur ethnie qu'à leur foi religieuse. Mais je reviendrai sur ce point fondamental. Alors maintenant, brossons à grands traits l'histoire récente du Nigeria. C'est nécessaire si on veut bien comprendre ce qui s'y passe aujourd'hui. Je vous écoute. Pendant une première période qui va de la proclamation de l'indépendance jusqu'en 1966, le Nigeria connaît un régime parlementaire. Un pouvoir civil, donc. C'est la première république. Mais ces années-là sont mouvementées, car un peu partout dans le pays se manifestent des poussées sécessionnistes. Ouais, les rivalités entre ethnies, j'imagine. Et la lutte pour le pouvoir politique et économique, oui. Et ça va déboucher sur le drame du Biafra. Ouais, le Biafra, il faut le préciser, c'est une région située au sud-est du pays. À l'époque, c'est-à-dire dans les années 60, on y compte entre 12 et 13 millions d'habitants, en majorité des membres de la tribu des Igbo. Ce n'est pas la région la plus peuplée, mais certainement la plus dynamique. En outre, les Igbo sont en général plus instruits que les autres Nigérians et ils ont essaimé dans les autres régions du pays. Et si je vous ai bien compris, puisqu'ils se trouvent au sud, ils doivent être plutôt chrétiens. C'est ça. J'ajoute, et c'est naturellement très important, qu'on vient de découvrir du pétrole au Biafra et dans la région proche du Delta. Et hier, comme aujourd'hui, les populations locales voudraient bien avoir leur part du gâteau. Or, selon la Constitution, c'est le pouvoir fédéral qui bénéficie de la manne. Ouais, c'est-à-dire les redevances versées par les compagnies qui extraient le pétrole. Ouais. Bon, là, je vais vite, car nous avons autrefois évoqué la tragédie biafraise. Au début de 1966, un petit groupe d'officiers d'origine Igbo liquide une vingtaine de dirigeants du Nord et s'empare du pouvoir fédéral, pour peu de temps. Car le chef d'état-major des armées, bien qu'il soit lui aussi Igbo, organise un contre-putsch. Contre les membres de sa propre ethnie, donc. Oui, oui, mais enfin, à mon avis, il devait être de mèche avec les putschistes, car ceux-ci ne seront pas jugés. Ah, effectivement. Oui. En tout cas, ces événements vont provoquer une terrible réaction en chaîne. Rendez-vous avec X. Monsieur X a évoqué la présence au Nigeria de talibans, comme ils se nomment eux-mêmes. Explication dans une interview donnée à Libération en juillet 2009 de l'un des meilleurs spécialistes de la région, Marc-Antoine Pérouse de Monclos. En janvier 2004, des islamistes radicaux se faisant appeler les talibans sont apparus dans la région du Borno à la frontière du Niger. Ils venaient vraisemblablement du campus de l'université de Maïdougouri. En Afrique de l'Ouest, le mot talibé désigne traditionnellement les jeunes élèves des écoles coraniques qui mendient dans la rue pour financer leur scolarité. Ici, on est clairement dans le cas d'une référence à l'islam radical, à la mode pakistanaise ou afghane. À l'époque, les talibans de Maïdougouri avaient attaqué des commissariats pour se procurer des armes. Puis, bizarrement, on n'a plus entendu parler d'eux alors qu'ils ont, semble-t-il, monté des camps d'entraînement. Pourquoi des violences ont éclaté maintenant, c'est un mystère. Il s'agit d'une zone peu contrôlée par le pouvoir central. Question. Qui dirige ce mouvement? C'est un autre mystère. On ne sait pas qui est leur leader. En 2006, un imam nommé Mohamed Youssouf avait été identifié, arrêté. Il avait reconnu avoir des talibans parmi ses fidèles, mais il ne se reconnaissait pas comme leur chef. Or, dans la longue histoire des mouvements islamiques radicaux au Nigeria, les prophètes autoproclamés ou millénaristes ne se sont jamais cachés. Après le coup d'État des Igbo, les gens du Nord n'ont qu'une idée en tête, se venger. Et c'est ce qui va se passer. Les Igbo sont pourchassés, massacrés par milliers, et des centaines de milliers d'autres fuirent, rentrent chez eux. C'est la terreur. Un seul exemple. On coupe la main droite des étudiants Igbo qui sont attrapés. Et la main droite, pour les empêcher d'écrire. Exactement. Et dans le même temps, un nouveau coup d'État militaire perpétré par des officiers du Nord chasse les Igbo du pouvoir. Et au Nord, ils sont donc musulmans. C'est exact. Pourtant, l'homme qui prend le pouvoir, le lieutenant-colonel Gowon, n'est pas musulman, mais chrétien. Mais c'est vrai, il est sous la coupe des tribus du Nord et va entreprendre une réforme administrative qui est clairement dirigée contre les Igbo. Le Nigeria est redécoupé en 12 États. Et on en profite pour priver le Biafra de la majorité de ses richesses pétrolières. Et chez les Igbo, alors, comment on réagit? Après ces massacres et ces mesures de rétorsion, la sécession leur semble inévitable. Et dès la fin de l'année 66, le gouverneur militaire de la région, le lieutenant-colonel Ojukwu, s'y prépare. Et ne semble nullement décidé à reconnaître l'autorité de son collègue Gowon. Mais comment il se prépare là? Ça veut dire quoi? Il commence dès le début de l'année 1967 par confisquer le matériel ferroviaire qui transite par le Biafra. Plus sérieusement encore, il entame des négociations directes avec les sociétés pétrolières qui sont installées dans la région. Et enfin, et surtout, il entreprend la formation d'une armée. Une armée biafraise. Oui. Ouais. À partir de ce moment, c'est donc la sécession. Et en mai 1967, c'est fait. Ojukwu proclame l'indépendance du Biafra. J'imagine qu'avant de prendre une décision aussi importante, le lieutenant-colonel Ojukwu a entrepris quelques démarches internationales. Bien évidemment, il sait que l'Espagne et le Portugal le soutiendront. Portugal de Salazar. Qui est encore une puissance coloniale en Afrique. Et en Angola. Et au Mozambique. Ouais. L'Espagne, alors le Portugal, ça veut donc dire deux pays dirigés par des dictateurs, deux régimes quasi-fascistes. Autre soutien? Ojukwu pense aussi bénéficier du soutien plus discret du pouvoir blanc au sein du continent. D'ailleurs, Afrique du Sud et Rhodésie. Bien sûr. Ouais. Mais c'est surtout sur la France du général de Gaulle qu'il compte bien s'appuyer. Et pourquoi la France? Ojukwu sait très bien que le général n'est guère favorable au Nigeria. Pour quelle raison, expliquez-moi. En 1960, à l'occasion de l'explosion de la troisième bombe atomique française au Sahara, les Nigérians ont réagi vivement. Ils ont même rompu leurs relations diplomatiques avec notre pays. Depuis, les choses se sont arrangées, mais le général, lui, n'a pas oublié. Excusez-moi, mais il me semble que ça ne mérite quand même pas d'offrir pour autant son soutien à des sécessionnistes. C'est juste, encore qu'il ne faut jamais sous-estimer la rancune du général. Vous avez raison, il y a des motifs plus sérieux. Quoi alors? Pétrole. Ouais. Au Nigeria, le gâteau a été partagé entre la Shell, qui est anglaise, et une société française, une filiale d'Elf. Mais les Français s'estiment mal servis. Et ils en veulent plus. Voilà. Alors, en encourageant la sécession biafraise, ils comptent mettre la main sur l'industrie pétrolière nigériane. Bien sûr, puisque les ressources pétrolifères du pays se trouvent justement au Biafra. Et pour être tout à fait complet, il me faut dire qu'il y a encore une troisième raison. Laquelle alors? La France, enfin surtout ses protégés africains, estime que le Nigeria est un pays trop grand par rapport à ses voisins de la région. Ah oui, mais alors? Eh bien, ce pays trop grand menacerait les autres. Ah oui, nos amis de la France-Afrique. Et par conséquent, ceci, et principalement la Côte d'Ivoire du président Houphouët-Boigny, souhaite que les frontières du Nigeria soient révisées. Et que le pays soit démantelé. C'est à peu près ça, oui. Mmh. Alors voilà pourquoi la France, avec de bonnes ou de mauvaises raisons, va se fourrer dans le guépier biafrais. Mais je n'insiste pas, puisque nous avons déjà évoqué ce dossier. Il faut quand même dire que tout au long de cette guerre atroce hein, entre les biafrais et l'armée nigérienne... Une guerre qui, en 32 mois, provoquera la mort de près de 2 millions de personnes et donnera lieu à la fin à un odieux chantage à la famine. Oui, mais je voulais dire que dans ce conflit, le service secret et barbouze française seront donc fortement impliqués. Et donc les autorités françaises de l'époque. Mais jugeant la guerre perdue, en mars 1969, De Gaulle ordonne la cessation progressive des approvisionnements clandestins en armes. Ouais, la France abandonne. Quoi. Et ce sera confirmé par le président Pompidou après la démission du général De Gaulle en avril. Le bilan est désastreux. Sur le plan humain, évidemment, mais aussi sur le plan économique. Pour la France, j'entends. Car la compagnie Elf sera purement et simplement évincée du Nigeria. Oui, mais elle reviendra, puisque Total, qui a absorbé Elf, est aujourd'hui partie prenante de l'exploitation pétrolière au Nigeria. C'est exact. Cependant, si vous le permettez, j'évoquerai plus longtemps ce point, car la question du pétrole est cruciale au Nigeria et suscite à raison les plus grandes inquiétudes. En attendant, je vous propose de voir la suite de l'évolution de ce pays. La guerre du Biafra se termine officiellement en janvier 1970, lorsque le colonel Ojukwu renonce et remet ses pouvoirs au chef d'État nigérian, le général Cowan, avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. C'est à la fin de la sécession. Hein. Et donc la réunification. Et de la vie générale, après un tel traumatisme, les autorités nigérianes gèrent plutôt bien le nécessaire processus de réconciliation. Et c'est d'autant plus facile qu'au début des années 70, le pays vit une sorte d'âge d'or grâce à l'argent du pétrole. On ébauche de grands projets, on investit et le niveau de vie des habitants s'améliore. Le président Gowon engage même un combat sérieux contre la corruption. Les conflits ethniques se sont donc apaisés ? Pour un temps, oui. Mais ça ne peut pas durer. En juillet 1975, Gowon est démis par un autre général, Murtala, qui est lui-même assassiné quelques mois plus tard. Nouveau coup d'État. Et nouveau général. Celui-là s'appelle Obasanjo. C'est un Yoruba, donc un membre de l'une des trois grandes ethnies du pays. Et bien sûr, comme tous les militaires qui s'emparent du pouvoir, il promet un retour rapide à la démocratie, ce qui lui prendra quand même 3 ans. Ah oui, on n'est jamais trop pressé dans ces cas-là. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'en 1979, une nouvelle constitution est adoptée et les partis politiques, longtemps interdits par les militaires, peuvent enfin être autorisés. Et les civils peuvent revenir au pouvoir. Après des élections libres, le Nigeria se met à espérer dans cette deuxième république. Le président élu, Shagari, promet de nombreuses réformes et en particulier d'améliorer les conditions de vie des couches sociales les plus pauvres. Pourtant, hélas, non seulement la situation économique se dégrade, mais l'affairisme gagne du terrain et de nombreuses fraudes électorales entachent l'image du parti et du président au pouvoir. La conséquence est inévitable. Ah oui, les militaires reviennent au pouvoir. Oui. En 1983, Shagari est démis et remplacé à la tête de l'État par un général, Mohamed Buhari. Et il faut l'observer tout de suite, la population nigériane accueille plutôt favorablement ce nouveau coup d'État. Bon, ça s'explique aisément. Dans ce pays si divisé, l'armée est un facteur de cohésion. La seule institution garante de l'unité fédérale. C'est ça. Seul problème, quand les militaires s'installent au pouvoir, on ne sait jamais quand ils vont le quitter. Et surtout, la tentation est grande d'user de la force pour rester à la tête de l'État. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Bref retour sur la France et le Biafra, avec un extrait d'un livre de Pierre Péan, Affaires africaines, publié chez Fayard. Quelques lignes qui reviennent sur ce que M. X a qualifié de chantage à la famine. Le nouveau président français, Georges Pompidou, n'entend plus soutenir la sécession biafraise, dont les leaders en sont alors réduits à exercer un véritable chantage à la famine en essayant d'apitoyer la communauté internationale en faveur de leur cause. Et le journaliste de citer un article du Washington Post du 11 juillet 1969. Le Biafra prive son propre peuple de ce qui est nécessaire à sa subsistance, dans l'espoir évidemment que le spectacle de ses souffrances va inciter les étrangers à imposer des restrictions politiques au Nigeria. La famine ne saurait devenir une arme de guerre acceptable du simple fait qu'elle est utilisée par un leadership aux abois contre sa propre population réduite à l'impuissance. Avant de poursuivre, un mot sur cette armée nigériane qui s'est si souvent mêlée des affaires politiques. À l'image du pays, elle n'est pas monolithique. Traditionnellement, elle est dirigée par les nordistes. Donc par les musulmans. Des Haoussa Peuls, oui. Mais ces officiers sont généralement issus des ethnies minoritaires, ce qui générera des conflits et pas mal de révolutions de palais. Mais il n'empêche que pendant très longtemps, l'armée a plutôt bénéficié d'une image favorable auprès de la population nigériane. Ça changera forcément quand on s'apercevra que les militaires d'active ou à la retraite ont mis la main sur les activités économiques du pays et sont devenus peu à peu les acteurs principaux de la corruption. Mais je reviens à ce que je disais. En 1983, les militaires sont donc de retour. Et pour très longtemps. Jusqu'en 1999. Et sous la férule de l'armée, le Nigeria va vivre ses années les plus sombres. Les plus sanglantes aussi, si l'on met de côté l'épisode Biafra. En tout cas, très rapidement, la dictature de l'armée devient de plus en plus rigoureuse. La liberté de la presse est, par exemple, rapidement abolie. Et le général Ibrahim Babangida, qui a écarté Buhari, règne d'une main de fer. Cependant, en 1993, il doit concéder l'organisation d'élections libres. Un milliardaire, Moshood Abiola, est élu à la présidence. Un civil, donc. Et il n'a pas le temps de s'installer. Le général Babangida annule aussitôt le résultat des élections. Et il reprend le pouvoir. Pour peu de temps. Car en novembre de la même année, on s'aperçoit que 12 milliards de dollars ont disparu des caisses de l'État. Oh, une paille. Et le scandale est tel qu'il doit rendre son tablier. Il est remplacé par l'un de ses homologues, Sani Abacha, le Pinochet nigérian, comme on va l'appeler, qui va s'illustrer par sa férocité, mais aussi par l'extrême corruption de son régime. À tel point qu'en 2000, la justice européenne devra opérer des saisies records sur les comptes étrangers des membres de son clan. En même temps, sous ce régime sanguinaire et malgré une répression impitoyable, on assiste à une montée spectaculaire des violences. Violences de quelle nature ? Il y a d'abord l'augmentation de la criminalité. Lagos, la principale ville du pays, devient une des cités les plus dangereuses au monde. Mais les violences d'origine ethnique ou confessionnelle redoublent aussi. C'est particulièrement vrai en pays Yoruba où le régime militaire, qui doit faire face à une très vive opposition, parfois armée, riposte par des exécutions et des assassinats perpétrés par des hommes de main à la solde du pouvoir. Et c'est sans doute dans la montée de ces violences qu'il faut voir la source des événements dramatiques qui ont ensanglanté récemment le Nigeria. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais. La dictature des militaires, vous dit, s'achève en 1999. Et un an plus tôt, le sanguinaire Abacha est mort d'une façon soudaine. Quoi, une mort suspecte ? Oh, ça n'est pas impossible. Le général qui lui succède, Abou Bakar, n'est pas taillé dans le même bois et va permettre le retour de la démocratie. Ce sera fait en 1999 avec l'élection à la présidence d'un général à la retraite, Obasanjo. Bah, c'est le général qui a pris son temps avant de rétablir la démocratie 20 ans plus tôt. Le même, oui. Obasanjo annonce d'emblée son intention de lutter contre la corruption et essaiera de récupérer l'argent dissimulé à l'étranger par ses prédécesseurs. Il mettra même en place une commission pour réprimer les crimes économiques et financiers nantis d'un important pouvoir. Mais on ne pourra pas s'empêcher de constater que cette répression s'exercera principalement contre ses adversaires. Et pas contre ses amis. Et en 2003, Obasanjo sera confortablement réélu, mais grâce à une fraude massive. Toutefois, là n'est peut-être pas le plus grave, car le retour à la démocratie a malheureusement permis l'apparition de revendications et de tensions intercommunautaires qui avaient été bâillonnées par la dictature. Des dangers de la démocratie ? Enfin, n'exagérons pas. Moi, je suis d'accord avec Churchill. Ouais, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. C'est ça. En tout cas, il est vrai que le couvercle de la marmite étant soulevé, on va assister à un véritable déchaînement des violences. Qui avait déjà commencé sous la dictature. C'est incontestable. En 2002, on comptera une soixantaine de conflits au Nigeria. Et à chaque fois, il y a des morts et de nombreux déplacés. Il faut aussi noter que cette démocratisation du régime donne aussi les coups des franches aux gouverneurs des États de la Fédération. C'est ainsi qu'au Nord, une douzaine d'entre eux adoptent la charia. Mais si vous le voulez bien, laissons provisoirement de côté la situation dans le delta du Niger et intéressons-nous en priorité à la région du Plateau. C'est au centre du pays. Oui, hein. Oui, c'est une région dont la capitale est Jos et où coexistent depuis des dizaines d'années deux ethnies principales. Les Peuls, Fulani, qui sont musulmans, et les Béroms, en majorité chrétiens. Mais quand vous parlez de coexistence, là... Ça n'a pas toujours été facile. Et d'abord parce que les uns, les Peuls, sont des pasteurs. Des nomades, donc. Et les autres, les Béroms, sont des agriculteurs. Et on sait que cette cohabitation ne va pas sans difficulté. Hein. Le meilleur exemple étant celui du Darfour. Les agriculteurs ont en effet toujours tendance à accuser les pasteurs de venir empiéter sur leur territoire en y faisant paître leurs animaux. Il s'est ajouté un autre phénomène qui résulte directement de la colonisation. Pour exploiter les riches mines d'étain de la région, les Britanniques ont importé de la main-d'œuvre en provenance du Nord, des Haoussa. Eux aussi musulmans comme les Peuls. Hein. Des gens considérés comme des colons par les autochtones. Et puis on a vu aussi arriver d'autres Haoussa qui, attirés par la prospérité de la région, se sont établis en tant que commerçants. Ouais. Alors ça fait beaucoup de Nigérians arrivant d'autres États de la Fédération. Beaucoup trop pour les autochtones qui ont l'impression de ne plus être chez eux. D'autant qu'ils se mêlent à ces réactions xénophobes, des ressentiments religieux. Ouais, chrétiens contre musulmans. Donc la tension monte. Et elle est exacerbée par une disposition héritée de la colonisation, ce qu'on appelle l'indigénéité. Et qu'est-ce que c'est là ? C'est à mon sens une notion administrative très perverse et qui est sans équivalent dans toute l'Afrique occidentale. Je vous explique. Les Britanniques, pour mieux contrôler leurs indigènes, avaient décidé de les loger dans des quartiers différents en fonction de leur ethnie d'origine, mais aussi de doter ces ensembles d'institutions spécifiques. Il y a une gestion des différences. Et la création presque obligatoire de véritables communautarismes. Mais ce qui est préoccupant, c'est que ce système va perdurer et va même être amplifié après l'indépendance. L'indigénéité devient même un cadre légal. Elle permet d'instaurer des quotas dans les emplois de services publics et même à l'université. Enfin, le certificat d'indigénéité délivré par les autorités fait aussi office de droit à la propriété. Mais encore, faut-il mériter ce certificat ? Et là, on entre dans un domaine qui peut donner lieu à toutes les querelles possibles. Je vois à peu près, mais expliquez. Eh bien, comment prouver que votre famille vit là depuis plusieurs générations ? Et à partir de quand devient-on un indigène ? Bref, un vrai nid à embrouille. Et l'occasion de perpétuelles contestations qui peuvent être éventuellement exploitées à dessein par les autorités locales ou nationales. Bon, je ne remonte pas trop loin, mais par exemple, en 1994, lorsqu'un musulman est désigné comme administrateur de la zone nord de Jos, les indigènes du plateau, plutôt chrétiens, s'insurgent. Et plusieurs musulmans sont massacrés. Et c'est l'engrenage de la violence. Là. Oui, et en 1999, un chrétien nommé président de ce même territoire s'empresse d'abroger les certificats d'indigénéité des musulmans. Une sorte de revanche. C'est évident, parce que les Béroms, plutôt chrétiens, ont toujours eu le sentiment d'avoir été exploités par les colons. Oui, les colons, les nouveaux venus. Hein. Et ça provoque des explosions inouïes. En 2004, des milices chrétiennes attaquent un village musulman. 630 personnes sont tuées. Et le gouvernement fédéral doit décréter l'état d'urgence. Et ça va recommencer en 2010 ? En fait, ces violences n'ont jamais vraiment cessé. Mais c'est vrai qu'au début de cette année 2010, elles ont encore franchi un degré d'horreur supplémentaire. En janvier, des heurts entre chrétiens et musulmans provoquent la mort de 400 de ces derniers. Et en mars, ceux-ci se vengent et massacrent à peu près le même nombre de chrétiens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la religion n'a pas grand-chose à voir dans les conflits qui vont éclater et engendrer de terribles tueries. C'est simplement une composante. Ah, vous dites comment ? La religion est instrumentalisée, comme on Alors dit ? Alors que les véritables enjeux sont tout autres, en réalité. Mais je crois vous l'avoir démontré. Ce qui est en cause, c'est une lutte pour le pouvoir ou simplement pour la survie, quand il s'agit pour les pasteurs et les agriculteurs de se disputer la terre. Mais la dimension religieuse est évidemment plus médiatique, surtout pour la presse occidentale, qui privilégie les annonces spectaculaires dès qu'il s'agit de massacres perpétrés par des musulmans. Et ce n'est certainement pas un hasard. Oui, mais il y a tout de même dans ces violences un soubassement religieux. Ah ben je ne le nie pas, bien que trop souvent la religion ne soit qu'un étendard qu'on brandit pour dissimuler des conflits d'intérêts bien plus matériels. J'ajoute, et j'en aurai fini pour aujourd'hui, que là comme ailleurs, au Nigeria, ces confrontations ont été rendues encore plus meurtrières avec l'apparition de milices. Mais quelles milices, là ? Des organisations créées d'abord par les populations pour se protéger de toutes les violences, mais qui vont bientôt devenir elles-mêmes les principales créatrices de violences, à tel point qu'on peut se demander si ces organisations ne sont pas manipulées. Mais par qui ? Eh bien d'abord par tous ceux, et ils sont nombreux, qui se satisfont très bien de l'anarchie qui prévaut au Nigeria. C'est particulièrement le cas dans la région du Delta, qui est devenue une véritable poudrière, non seulement pour les Nigérians eux-mêmes, mais aussi pour tous les États de la région, et même pour l'Occident, d'autant que le pouvoir nigérian est affaibli, sinon inexistant. Et si vous le voulez bien, nous verrons cela bientôt. Pour terminer, deux livres sur le continent africain. D'abord, le dernier essai de Stephen Smith, « Voyage en post-colonie, un nouveau monde franco-africain » chez Grasset. Et puis, « Le Congo 1960, échec d'une décolonisation » rédigé par un collectif de chercheurs, édité chez André Versailles, éditeur. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et obtenir sa diffusion par podcast ou balado-diffusion. Et merci à Valérie Ayesteraï, Michel Biou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, on se décontracte, on va dans la nature, c'est au-delà de mon amour de Denis Chessou.